Tu as vu cette chambre? J'aime beaucoup ce style. C'est moderne. Oui, bof. Je la trouve un peu triste. Je préfère celle-ci. Elle est colorée et beaucoup plus gaie. C'est sûr qu'elle est colorée. Un peu trop colorée même. Je préfère les petites touches de couleur de celle-ci. Regarde les petites malles rouges et bleu clair, elles sont jolies. Oui, c'est pas mal. Mais je préfère le grand coffre bleu devant l'autre lit. Dans l'autre chambre aussi, il y a un grand coffre devant le lit. En plus, il est assorti au lit qui est aussi en cuir. Justement, je déteste le cuir. Je trouve cette matière trop froide. Dans l'autre chambre, le lit et les tables de chevet blanches vont bien ensemble et j'aime leur style indien, un peu baroque. Mais tu as vu les tapis? Ils sont trop chargés. Celui de l'autre chambre est beaucoup plus sobre et élégant. Et les lampes de style industriel, elles sont sympas, non? Oui, bof. On dirait des lampes de bureau. En tout cas, les deux chambres sont toutes les deux très lumineuses.